un petit bis. Bah, je nous accompagne. On a un petit truc merdeux là. Ouais. Ouais, ça s'appelle comment le prochain morceau? Je sais pas, je le connais. Le titre. Le rappel qu'on fait à chaque fois. Ouais, petit très vieux tour. Un calçon. Ok. Vite faire. Ready? Yeah. Go. Thank you.